doni dava kiliwa kere kere undo narugo kiliwa wedding kere nyarondiwa dono naginia kere kere okuwa mieja hembiandie ande jagorema Nangomo kazi mbiwe, fedwa no miega fangijua Nanyaneno, ongwe, hari hari eniwe, ongwe Tiariva de l'autre côté, la rivière de la rivière Je planque la ma canne à pêche, ma liberté à l'occidentale Puis ce fut comme nénuphar, la rivière et la rivière. Et tu me traînes, mais je t'aime. Nyangomo kazimbiwe, fedwa no miega fangijua. Nanyanelo, ongwe, ari ari enire, ongwe. Yeah.